Un peu surprenant. Bonjour à tous. Je veux saluer aussi ceux qui nous ont rejoints pendant ce culte. Et je salue aussi ceux qui nous suivent également sur Zoom. Alors, avant de nous plonger dans le texte biblique de ce matin, j'aimerais qu'on se pose quelques petites questions. Et j'aimerais surtout associer, si c'est possible évidemment, tous ces jeunes qui sont bien actifs à dessiner, à colorier. Alors, est-ce que vous connaissez le nom de quelques super-héros? Facile. Alors moi, j'ai un favori, c'est Batman. Voilà, Batman. Alors, sur ce man, hein, vous pouvez en construire beaucoup. Hein. Méloman, non, ce n'est pas un, pardon. Alors, vous avez un autre, pardon? C'est un super-héros, c'est une super-héroïne, comme toutes les mamans d'ailleurs, je l'admets. Batman, ça c'est mon favori. Ampaman. Ah oui, d'accord, c'est un japonais. D'accord. Attention parce qu'il y a la deuxième question, elle est peut-être un peu plus difficile à répondre. Une question un peu plus compliquée. Superman, hein, voilà, tout le monde le connaît comme ça, là. Spider-Man, hein, l'homme araignée, on le connaît tous. Iron Man, voilà, l'homme d'acier. Vas-y, vas-y, si, je t'écoute. Lady Buzz. Bug. Ah ouais, alors, franchement, j'ai une culture des super-héros nulle. J'ai fait quelques recherches, mais j'avoue que ça s'est arrêté au Marvel, aux comics, mais ça va pas plus loin. Voilà. Il y a Thor aussi, Hulk, bon, celui qui se met en colère, on a entendu de la colère, hein. Celui-là, dès qu'il se met en colère, eh ben, il grossit, je pense qu'il doit avoir un super loup à l'intérieur, qu'il nourrit grandement. Alors, il y a peu de femmes, hein. Il y a Catwoman, mais ce n'est pas vraiment une héroïne, elle est plutôt hein, Wonder Woman, oui, c'est vrai, Captain Marvel, qui est une femme aussi. Est-ce que, bon, là, on a cité, on va dire, les gentils, mais est-ce que vous connaissez les méchants? Des Marvel, les méchants des héros, ceux qui sont à l'opposé. Alors moi, Batman, c'est sûr, mais c'est le Joker. Voilà, merci, c'est le Joker. Celui qui s'oppose à Batman, c'est aussi, il marche comme ça, là, c'est ben, le pingouin. Voilà, le pingouin. Il y a aussi Double Face. Hein, c'est tous les méchants. Le méchant dans Superman, c'est qui? Est-ce que vous avez une petite idée? Les jeunes là-bas au fond. Superman. Voilà, super. Je vois qu'il y en a qui connaissent leur classique. Lex Luthor, qui a besoin d'un artifice, qui a besoin d'un costume pour être ce double, ce héros. D'ailleurs, il se sert de sa fortune pour ça. Dark Vador, alors oui, mais. C'est un méchant aussi de Skywalker, tout à fait. Dans Spider-Man, le méchant, c'est qui? Bah, il a un costume vert, il a une armure verte. C'est le bouffon. Le bouffon. Voilà, il a une armure verte. Dans Hulk, je fais confiance à mes fiches. Hein. Dans Hulk, celui qui se met en colère. Il a plusieurs ennemis, mais celui qui l'on voit le plus, c'est Moloch. Alors, le Moloch, moi je connaissais le Moloch de la Bible, là, le dieu Moloch. Mais bon, ça, je le connaissais pas. C'est Bachman, d'accord. Alors, il y a Thor, hein, toujours avec son fameux marteau surpuissant. Et lui, toujours d'après mes fiches, hein, merci pour ceux qui les ont préparés. Il y a Gore qui, paraît-il, est plus puissant que Thanos. Alors ça, je vous livre comme je l'ai lu. Je ne sais pas ce que ça veut dire parce que je ne connais pas beaucoup. Alors, généralement, qu'est-ce qui se passe dans les films de super-héros? Moi, j'avoue que je n'ai aucun frisson d'angoisse. Jamais aucun frisson d'angoisse parce que ce que l'on constate, ce que l'on sait déjà dès le début, c'est que les méchants perdent et que les gentils gagnent à tous les coups. Alors soit les méchants perdent, ils sont détruits et je ne sais pas comment ils font, ils reviennent toujours au prochain épisode. De toute façon, il se passe toujours ce même scénario. Alors, le texte biblique que je vous invite à lire ce matin va prendre l'exact contre-pied de cette logique que nous avons tous au fond de nous, à savoir que le gentil de l'histoire est toujours celui qui gagne et que le méchant est toujours celui qui perd. Et ce texte-là, on le trouve dans Genèse au chapitre 4, des versets 1 au verset 16, que je vous invite à lire ensemble. C'est l'histoire de Caïn et de Abel. De son union avec Adam, Ève, sa femme, devint enceinte. Elle mit au monde Caïn et dit alors « J'ai conçu un homme grâce au Seigneur ». Elle donna aussi le jour au frère de Caïn, Abel. Abel fut berger de petit bétail et Caïn cultivait le sol. Au bout d'un certain temps, Caïn apporta des produits de la terre en offrande pour le Seigneur. Abel, de son côté, apporta des agneaux premiers-nés de son petit bétail, dont il offrit au Seigneur de très beaux morceaux. Le Seigneur accueillit favorablement Abel et son offrande, mais non pas Caïn et son offrande. Caïn en éprouva une profonde irritation. Il en fut abattu. Le Seigneur lui dit, « À quoi bon te fâcher et être abattu? Si tu agis comme il faut, tu reprendras le dessus, sinon le péché est à ta porte, comme un monstre à l'affût. Il désire te dominer, mais c'est à toi d'en être le maître. » Cependant, Caïn s'adressa à son frère. Quand ils furent au champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Le Seigneur demanda à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Caïn répondit, « Je n'en sais rien, est-ce moi de veiller sur mon frère ?» Le Seigneur répliqua, « Pourquoi tu fais cela? J'entends le sang de ton frère crier du sol vers moi. Tu es désormais un maudit, chassé du sol qui s'est ouvert pour recueillir le sang de ton frère, ta victime. C'est pourquoi tu auras beau cultiver le sol, il ne te donnera plus sa vitalité. Tu seras un déraciné, toujours vagabond sur la terre. » Caïn dit au Seigneur, « Ma peine est trop lourde à porter. Tu me chasses aujourd'hui du sol cultivable et je vais devoir me cacher loin de toi. Je serai un déraciné, toujours vagabond sur terre. Quiconque me trouvera pourra me tuer. Mais le Seigneur lui répondit, « Non, car si quelqu'un te tue, il faudra 7 meurtres pour que tu sois vengé. » Le Seigneur mit alors sur Caïn un signe distinctif pour empêcher qu'il soit frappé par ceux qui le rencontreraient. Alors Caïn partit habiter au pays de Nod, loin de la présence du Seigneur, à l'est d'Éden. Alors, à l'est d'Éden, ce n'est pas simplement un film de James Dean. On va voir tout à l'heure pourquoi. Alors, d'après vous, dans tout ce qu'on a vu, c'est qui le méchant dans l'histoire? C'est Caïn. Et le gentil, et nous l'avons lu, c'est Abel. Alors, ce texte qui nous relate l'histoire de Caïn et Abel en Genèse 4 fait partie de ces textes qui mettent à mal notre logique humaine. Parce que c'est un texte où l'ordre des choses n'est pas respecté, parce qu'il n'est pas normal que le juste meure et que le méchant vive. Alors nous continuons à travers ce texte bien connu sur le thème de la fraternité. Et nous avons vu la semaine dernière que la fraternité est comme un idéal à vivre et un idéal à poursuivre, avec son lot de bénédictions et son supplément de vie. Alors ce matin, c'est ce texte de la Genèse au chapitre 4 qui nous accompagnera dans notre réflexion, avec ces trois questions. Où est ton frère? Qu'as-tu fait de ton frère? Mais plus largement, que faisons-nous de cette fraternité? Est-ce que nous allons la faire vivre ou bien est-ce que nous allons la tuer? Nous verrons aussi que malgré le geste meurtrier de Caïn, des gestes que nous aussi nous reproduisons à notre mesure, nous verrons qu'une porte de sortie, une porte de grâce nous est ouverte par le salut que nous avons en Jésus-Christ. Alors, à moins que l'on soit fils unique ou fille unique, la relation fraternelle est un lien qui nous suit ou qui nous est antérieur. En tout cas, c'est un lien à recevoir et à investir. On est toujours le frère ou la sœur de quelqu'un qui est né soit avant nous, soit après nous. Je pense que la Palie ne serait pas dit mieux. La fraternité, c'est un lien dont on hérite, un lien ou une solidarité avec un autre, mais un lien qu'on ne choisit pas, tout comme on ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas non plus ses frères et ses sœurs. Et c'est une relation, parce que c'est une relation à construire, et c'est vrai aussi pour Caïn, aussi vrai pour Caïn que pour nous tous. La naissance de Caïn nous est présentée comme une collaboration entre Dieu et Ève, nous l'avons lu. J'ai conçu un homme grâce au Seigneur, dit Ève. Alors, bon, au passage, je pense qu'elle avait oublié que Adam avait eu quelque chose à jouer là-dedans, mais ça, c'est un détail. Mais d'emblée, voyez-vous, Abel est introduit dans ce texte comme celui qui suit, comme celui qui est ajouté, celui qui vient après. Et tout comme dans le récit de la création, l'homme est mis en relation avec, l'homme est mis en relation avec la femme, ici, l'homme est mis en relation avec son frère. Et s'il n'est pas bon que l'homme soit seul, et si pour cela Dieu va lui donner un vis-à-vis, un visage à regarder, là, dans cette histoire, le premier couple n'envisage pas Caïn sans son frère. Comme si cette relation fraternelle faisait partie d'un patrimoine génétique, d'un héritage ou d'un ADN. Et de même qu'il n'est pas bon pour l'homme de vivre seul, il n'est pas bon non plus pour l'homme de vivre sans un frère. C'est pour cette raison que Abel arrive vite, comme un ajout, comme un impératif, comme une évidence. Mais ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est de comprendre pourquoi il est si difficile pour nous de vivre la fraternité. Et quels sont les pièges à éviter, les exemples à ne pas reproduire pour ne pas tuer son frère ou sa sœur, mais pour faire vivre ce lien fraternel qui nous unit. Et Caïn, dans sa non-relation avec Abel, son frère, en est l'exemple parfait. Et il y a une chose, la première chose que je voudrais souligner. Ce qui tue la relation fraternelle, en tout cas ce qui ne la fait pas vivre, c'est l'indifférence. C'est l'indifférence. Et on voit dans ce texte que dès leur naissance, ces deux-là, ces deux personnes-là, auront du mal à s'entendre. Et pour s'entendre, vous le savez, il faut se parler. Alors, Abel naît dans la parfaite indifférence de Caïn. Caïn n'accueille pas celui qui le suit comme son frère. Et l'histoire se répétera dans l'Ancien Testament comme l'écho d'un échec. Avec Isaac, Ismaël, son frère, avec Ésaü, Jacob, son frère, avec Joseph et ses frères. Mais grand Dieu, quand je lisais ça, je me disais, mais grand Dieu, qu'il est difficile de vivre la fraternité. Ce n'est pas toujours, comme nous l'avons vu la semaine dernière dans le psaume 133, comme une huile parfumée et une rosée qui nous rafraîchit. Dans cette histoire, remarquons-le, seul Abel est nommé comme frère. À cette reprise, le mot « frère » est associé à Abel. Parce qu'il y a là, dans ce texte, une insistance à entrer dans ce projet de Dieu, dans ce lien à l'autre, dans ce lien fraternel. Et leur chemin, on le voit, se sépare. Chacun suit sa propre voie. Chacun vit parallèlement l'un à côté de l'autre, dans une totale indifférence. Et à cause de cette indifférence consommée, leur destin se sépare, chacun fait ses propres choix, et c'est parfaitement bon d'agir ainsi. C'est dans l'ordre des choses, séparer pour vivre ou pour exister, c'est bien l'ordre de la création. Et je pense que, fort heureusement, frères et sœurs, on n'est pas obligé d'avoir le même métier pour être frère ou pour être sœur. Le texte biblique nous précise que l'un sera berger et que l'autre cultivera la terre, comme Adam, le père, dans la continuité de la tradition du commandement de Dieu, et de la tradition familiale, Caïn, tout naturellement, choisit le métier du père. Mais le père, on le voit, mais le texte le précise et le dit d'une manière très claire. Le texte le dit sans jugement de valeur, sans dire que être berger c'est bien ou être cultivateur c'est mieux, sans dire que l'un est dans l'erreur et que l'autre a raison. Alors, il faut simplement recevoir ce que nous dit le texte d'une manière très très simple, en fait. Il n'y a rien d'anormal à choisir une autre voie, à ne pas vouloir faire ce qu'on attend de nous. Et j'y vois là un autre piège à éviter, un autre écueil, un obstacle majeur que Caïn, visiblement, n'arrive pas à surmonter. Après l'indifférence, le problème de Caïn, c'est son incapacité à accueillir son frère dans sa différence, dans cette liberté qu'il a d'être lui une personne à part entière dans la liberté de ses choix. Abel a choisi d'être berger, de ne pas avoir le même métier que papa Adam, de ne pas embrasser la même carrière que son grand frère non plus, mais de s'exprimer par la différence de ses choix. Et c'est bien souvent par là que nous aussi, nous peinons dans nos relations fraternelles. Nous avons du mal à accueillir l'autre dans la différence de ses points de vue et de ses choix, parce que, il faut le dire, tout au fond de nous, nous nous croyons plus ou moins investis de la tradition. Il y a en chacun de nous une certaine rigidité, une part de rectitude qu'il nous faut adoucir. Et la fraternité à laquelle Dieu nous appelle est une formidable opportunité. Elle nous apprend à nous laisser infléchir, à nous assouplir pour recevoir le différent. Et puis, à quel moment dans l'histoire on entend Abel parler? À quel moment Caïn a-t-il pu rencontrer son frère dans une parole, partager une parole, entrer en dialogue avec lui? Jamais. Est-ce que la parole, frères et sœurs, est libre entre nous? Est-ce que la parole est libre entre nous? La fraternité n'est-il pas ce lieu privilégié où une parole d'opinion peut s'exprimer, mais aussi une parole d'apaisement, de consolation et d'édification de l'autre? Caïn est incapable de parler à son frère. Et les seules paroles qu'il prononce sont des paroles de violence, des paroles de mort. Tout ça parce que Caïn, indifférent au lien de fraternité qui lui est proposé, n'a pas été capable d'accueillir son frère dans sa différence. Il ne lui a pas laissé l'espace nécessaire pour s'exprimer, pour dire sa différence, en empêchant tout dialogue et en le privant de parole. Alors, frères et sœurs, c'est toujours comme ça entre nous. Lorsque, en l'absence de parole, lorsqu'il n'y a pas de parole, c'est l'irrationnel qui prend le dessus. Caïn va sortir du factuel pour aller sur le terrain des émotions et du ressenti. On ne fait pas de la psychologie, là, c'est le texte qui nous le dit, hein. Mon frère est béni et moi, je suis moins que lui. On le comprend par cette allusion, cette déclaration. L'Éternel porta un regard favorable sur l'offrande de Abel, mais pas sur celle de Caïn. Alors, pardon si je questionne ici des années et des années de lecture biblique. Mais à quel moment, frères et sœurs, écoutez bien, à quel moment Dieu dit-il clairement en vouloir à Caïn? De manière explicite. Alors, je sais que vous allez me sortir le verset 4 et 5, hein. Je le relis d'ailleurs. Le Seigneur accueillit favorablement Abel et son offrande, mais non pas Caïn et son offrande. Et ce verset, on le sort à l'envi. On le sort à l'envi pour justifier une quelconque différence de traitement entre Caïn et Abel. Et c'est comme ça qu'on le reçoit, ce texte, depuis toujours. Mais pardonnez-moi, encore une fois, est-ce que c'est Dieu qui le dit Parce que quand Dieu parle, je vous renvoie au texte, il est dit, l'Éternel dit. Est-ce que c'est Dieu qui parle ou est-ce que c'est le rédacteur? Inspiré, bien sûr, mais est-ce que ce n'est pas le rédacteur pour nous expliquer ce glissement de Caïn vers le terrain de la supposition et des idées qu'on se fait sur l'autre, sur mon frère ou sur ma sœur? À quel moment, réfléchissons, parce que le texte nous y autorise, à quel moment les aléas climatiques et les mauvaises récoltes, comme on peut l'imaginer dans le texte, sont-ils le signe d'une désapprobation de Dieu envers Caïn? À quel moment les difficultés que je rencontre sont-elles le signe que Dieu m'a abandonné? À quel moment la bénédiction spéciale que Dieu fait reposer sur mon frère ou ma sœur et non pas sur moi est-elle la preuve que Dieu me rejette? Supposition, projection de notre esprit, mensonge. Mais voyez-vous, quand il n'y a pas ou plus de paroles, quand il n'y a pas ou plus de paroles, il ne reste que des impressions, il ne reste que des suppositions. Et c'est bien souvent dans nos relations l'irrationnel qui l'emporte. Et Caïn, en l'absence de paroles, d'un espace nécessaire à la clarification, se laisse convaincre par des déductions hasardeuses. Dieu préfère mon frère. Encore une fois, en l'absence de paroles, c'est l'irrationnel qui prend le dessus et non le factuel. Et en l'absence de paroles toujours, c'est la violence qui parle et qui prend le dessus à son tour. Alors le texte nous le dit d'une façon imagée, c'est une bête, c'est un loup, un monstre, c'est la mort. C'est la mort qui fait son lit devant notre porte. C'est ce désir de couper le lien fraternel, de priver l'autre d'avoir la possibilité de vivre que l'Éternel demande à Caïn de surmonter. Caïn, le doit-il? Oui, bien sûr. Le pourra-t-il? L'histoire montre que non. Parce que le plus difficile pour Caïn, comme pour nous d'ailleurs, ce n'est pas d'avoir un frère, mais de devenir un frère pour celui que Dieu place à côté de moi. Alors, est-ce que c'est fichu pour autant? Est-ce que c'est fichu pour autant? Est-ce que ce lien fraternel est donc quelque chose d'impossible à atteindre? Non. Et voici pourquoi. Si Dieu consent à la mort d'Abel le juste, c'est pour laisser crier et parler le sang du frère, pour laisser parler le sang de Jésus-Christ, de celui qui s'est fait frère pour nous, et dont la mort et la résurrection nous ont introduits dans une meilleure fraternité, pas une fraternité de chair et de sang, pas une fraternité biologique, mais une fraternité spirituelle. Parce que, à l'inverse de nous, lui, il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Si Dieu consent à la mort du juste, et à laisser vivre le méchant, ce n'est pas pour contredire les scénaristes des Marvel, mais c'est pour lui ouvrir une porte de salut, une porte de grâce, en déposant sur son front la marque d'une alliance future. Dieu, par Jésus-Christ, fait alliance avec nous, les Caïn, les méchants, en nous donnant la vie, en nous permettant de vivre, aujourd'hui, encore, il nous offre en même temps la possibilité d'entendre sa voix pour nous permettre de changer. Dis-leur de ma part, dis-leur bien de ma part, dit le prophète Ézéchiel. Aussi vrai que je suis vivant, je l'affirme, moi le Seigneur, je n'aime pas voir mourir les méchants. Tout ce que je désire, c'est qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. Tant que nous aurons un souffle de vie, Dieu fera tout pour nous parler. Il fera tout pour nous parler afin de nous changer. Dieu nous fera encore et toujours grâce en raison de cette alliance qu'il a conclue pour nous en Jésus-Christ, comme un signe sur notre front. Il l'a fait pour Caïn en le laissant s'installer dans son exil à l'est d'Éden. Ce n'est pas qu'un film, à l'est d'Éden. L'est, l'Orient, c'est là où le soleil se lève. C'est là où notre soleil de justice un jour se lèvera. Et c'est là que Caïn va s'installer. Alors, frères et sœurs, que faisons-nous de notre frère ou de notre sœur? Que faisons-nous de notre fraternité, de ce lien qui nous unit? Nous traversons des temps particuliers en ce moment. Que faisons-nous de cette fraternité? Est-ce que nous allons vivre cette fraternité, la faire vivre ou alors la faire mourir? Ne tuons pas notre frère. Ne tuons pas cette fraternité à laquelle le Christ nous appelle. Faisons tout pour que ce lien persiste. Rejetons l'indifférence mortelle. Permettons à notre frère d'exister dans sa différence. Accueillons-le. Ne laissons pas le doute ou la méfiance s'installer entre nous, se tapir à notre porte. Ouvrons la porte au dialogue. Résistons à la violence, même à la violence de nos paroles. Il existe certainement un autre moyen de se parler. Parce qu'en définitive, quoi qu'en dise le Caïn qui sommeille en chacun de nous, je suis bien le gardien de mon frère. Nous sommes tous les gardiens de la fraternité. Amen. Merci Dominique. Je crois qu'on a bien de quoi méditer cette semaine. Beaucoup de pistes ouvertes.